La revue internet népalaise Nepal Today et le journal de ce pays, Arfan, commentent que les lancements d'essais des fusées balistiques intercontinentales coréennes constituent une contribution à la paix mondiale. Les commentateurs écrivent notamment: dans les affrontements nucléaires avec les États-Unis, la Corée triomphe successivement et accule les États-Unis dans une situation d'impasse. Sa réussite au lancement d'essais des fusées n'est point une menace pour la paix mondiale, mais une contribution à la paix et la stabilité dans le monde.